Et si pour Noël, vous offriez à vos enfants un cadeau exceptionnel, celui qu'ils n'oublieront jamais? Embarquez-les dans une aventure immersive, sans écran, où toute la magie se passe par échange de courriers. Une enquête en cavale. Comment? En répondant à des énigmes livrées dans leur boîte aux lettres. Vos enfants deviennent alors les héros d'une grande enquête merveilleuse qui dure plusieurs mois. À Noël, surprenez vos enfants en leur offrant une enquête en cavale. Une expérience inédite, 100% fabriquée en France, disponible de 7 à 12 ans. À découvrir sur en-cavale.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, à la découverte des coulisses du pouvoir, là où se trouve en grande partie le vrai pouvoir, juste à côté du bureau du président de la République, celui du secrétaire général de l'Élysée en l'occurrence, et depuis 2017, celui d'Alexis Kohler. Si l'on en croit l'ancienne première ministre Edith Cresson, en son temps, Pierre Bérégovoy avait mal pris la proposition de François Mitterrand de faire de lui le secrétaire général de l'Élysée parce que dans l'intitulé de son poste, il y avait « secrétaire ». Quelle erreur ! Car précisément, ce poste est un puissant instrument de pouvoir, plus qu'un ministre peut en avoir, y compris à la tête d'un ministère régalien. Alexis Kohler et Emmanuel Macron donc, beaucoup de points communs et quelques différences. Le premier est aussi réservé et précis que le second peut se montrer séducteur et brouillon. En tout cas, les deux font la paire et dirigent la France en duo. Mais il se trouve qu'Alexis Kohler a été mis en examen début octobre pour prise illégale d'intérêt. Aurait-il pu mettre à profit certaines de ses fonctions pour favoriser l'entreprise dirigée par des membres de sa famille? C'est toute la question. Notre invité aujourd'hui, Marc Handelveld, journaliste indépendant et spécialiste des réseaux de la Macronie, auteur du premier ouvrage d'enquête consacré à Emmanuel Macron. Il a dédié un chapitre de ce livre, L'Emprise, paru début 2022, à Alexis Kohler et à cette affaire. Affaires sensibles, l'émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sylvie Fagnard, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Charles de Silla. Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter. Cette fois, la voix d'Alexis Kohler ne tremble pas. En 2017, pour sa première apparition, il était moins assuré. Mais l'habitude commence à s'installer, c'est le métier qui rentre. Et en ce vendredi 20 mai 2022, c'est la quatrième fois que l'inamovible secrétaire général de l'Élysée depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 s'installe devant les micros sur le perron du palais présidentiel pour un cérémonial maintes fois répété sous la Ve République, l'annonce d'un nouveau gouvernement et son casting, celui d'Elisabeth Borne. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Sur la proposition de la première ministre chargée de la planification écologique et énergétique, le président de la République a nommé Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Le fait que ce soit à l'Élysée qu'on annonce la composition du gouvernement montre bien qu'en France, c'est au palais présidentiel que se prennent les décisions. C'est là que tout se joue pour le pays. Matignon, le gouvernement, l'Assemblée, c'est presque pour le décor. En tout cas, Alexis Kohler sera resté à son poste, donc au cœur du pouvoir, tout au long du premier mandat présidentiel. Et il rempile pour le second. De toute la bande originelle qui a accompagné Emmanuel Macron dans son raid éclair sur l'Élysée en 2017, il ne reste que lui. Il faut dire que pour cette mission, M. Kohler a tout pour plaire. Une allure d'énarque presque catalogue, costume impeccable, cheveux bien coiffés, lunettes carrées mais pas trop, et un parcours exemplaire. C'est ainsi que débutent tous les portraits qui lui sont consacrés. Côté CV, tout est parfait également. Ce fils d'une avocate et d'un haut fonctionnaire strasbourgeois est diplômé de Sciences Po Paris en 1993. Il enchaîne avec l'ESSEC, prestigieuse école de commerce, avant d'intégrer l'ENA, dont il sort en 1998, pour rejoindre la Direction Générale du Trésor en tant qu'administrateur civil. Sa vie professionnelle suit le même cours que celui de ses études. Toujours parfait, genre premier de la classe, Alexis Kohler est détaché du ministère pour travailler pendant 3 ans pour le compte du Fonds monétaire international. Puis il rejoint l'Agence des participations de l'État, une administration de Bercy chargée de veiller aux intérêts de l'État actionnaire dans différentes entreprises publiques, comme la RATP, Renault, EDF. De septembre 2008 à mai 2012, il s'occupe des secteurs du transport et de l'audiovisuel. Et puis, comme il n'est pas rare pour cette aide bien faite, forgée dans les meilleures écoles de la République, que les portes des cabinets ministériels s'ouvrent, ce sera le cas pour Alexis Kohler. En mai 2012, dans le sillage de l'élection de François Hollande à la présidence, il est nommé directeur adjoint du cabinet de Pierre Moscovici, ministre des Finances et de l'Économie. Le job est précaire, les cabinets valsent au rythme de leurs ministres. Moscovici est remplacé à Bercy le 2 avril 2014 par Michel Sapin aux finances et Arnaud Montebourg à l'économie. Et Alexis Kohler est renvoyé dans les rangs de l'administration. Il caresse un temps le rêve de prendre la tête de l'agence des participations de l'État, rêve brisé par Montebourg qui tranche et qui dit « ce gars est trop libéral, pas fiable ». Mais le purgatoire ne dure pas. Le 27 août 2014, François Hollande se débarrasse de Montebourg, qui n'arrête pas de lui tailler les costumes, et en public, de surcroît. Et c'est un certain Emmanuel Macron qui prend sa place. Depuis hier, l'homme fort de Bercy aux côtés de Michel Sapin, c'est lui, Emmanuel Macron, ancien banquier d'affaires. Il tranche avec Arnaud Montebourg. L'homme assume son positionnement social-libéral. Le pacte de responsabilité, c'est lui qui l'a inspiré quand il était conseiller de François Hollande. Le nouveau ministre de l'économie a promis la continuité. Et Emmanuel Macron fait d'Alexis Kohler son directeur de cabinet. Leur parcours coïncide et leurs idées se confondent. Même code, même réflexe, mêmes origines sociales, de celles où on ne souffre pas. Pour autant, les deux hommes se connaissent à peine. Ou ils se sont bien croisés pendant la campagne de 2012 autour de François Hollande. Puis quand Kohler était directeur adjoint du cabinet de Pierre Moscovici et Macron secrétaire général adjoint de l'Élysée auprès de François Hollande. Mais rien de plus. Mais ils ont construit un récit autour de cette rencontre et ils le livrent à qui veut l'entendre. Donc, c'est l'entente immédiate, le coup de foudre intellectuel. C'est beau. Les deux hommes ont en commun un goût certain pour les horaires extensibles de travail, pas vraiment des fans des 35 heures. Alors pendant des mois, nuit et jour, ils élaborent de concert une loi dont l'intitulé est presque émouvant de philanthropie, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Une loi restée plus prosaïquement dans les annales du quinquennat Hollande, comme la loi Macron. Au programme, libéralisation du secteur des autocars, les fameux cars Macron, travail le dimanche, libre installation des notaires, un programme qui fleure bon le tout libéral décomplexé, et au bout du compte, une adoption par le 49-3, cette savoureuse méthode qui consiste à se passer de l'avis des députés, pourquoi gêner ? 2 ans plus tard, en août 2016, le calendrier des ministres de l'économie s'accélère. Emmanuel Macron a décidé de se porter candidat pour la présidentielle de 2017. Le 30 août, il démissionne du gouvernement. Lors de son pot de départ de Bercy, le journal Le Monde raconte qu'il tresse des lauriers d'or à son collaborateur. « Rien de plus agréable que de travailler avec quelqu'un de plus intelligent que vous », déclare-t-il. Alexis Kohler est au bord de larmes. C'est beau. Pour le conseiller, en tout cas, fini la fonction publique. Il quitte l'administration pour rejoindre un groupe italo-suisse actif dans le transport maritime et des croisières, la MSC. Mais il ne perd pas de vue l'aventure politique de son ancien patron. Loin de là. La semaine à Genève, le week-end à Paris, Kohler est au cœur de la campagne. Il relit et amende tous les discours du candidat. Il est en copie de tous les mails décisifs. Et alors que la victoire se précise, il valide ou non les ambitions de ceux qui se pressent désormais autour d'Emmanuel Macron. Ce dernier est élu. Alexis Kohler sait qu'il va encore changer de fonction. Direction l'Élysée. Maryse Burgot, France 2, présente la nouvelle équipe qui va régner au palais. Eh bien, ce sont les noms, hein, les visages auxquels désormais nous allons devoir nous habituer. Ils sont d'ailleurs arrivés, tous ces gens, ce matin pour la passation de pouvoir groupés et sont restés un petit moment sur le perron de l'Élysée. Première nomination, celle d'Alexis Kohler. Il devient secrétaire général de l'Élysée. C'est un proche d'Emmanuel Macron. Il a été son directeur de cabinet quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie. Secrétaire général de l'Élysée, un premier ministre bis ou un vice-président, comme vous voulez. Des hommes politiques de premier plan ont occupé ce poste et sont ainsi passés de l'ombre à la lumière. Édouard Balladur sous Georges Pompidou, Pierre Bérégovoy ou Hubert Védrine sous François Mitterrand, Dominique Villepin sous Jacques Chirac ou encore Claude Guéant aux côtés de Nicolas Sarkozy. Il faut noter qu'aucun texte n'en régit le rôle, ni son fonctionnement. Un poste, dont secrétaire général de l'Élysée, dès lors éminemment politique, au plus près du centre névralgique du pouvoir dans la Ve République. Au menu, des tâches très différentes qui ne poursuivent qu'un but, servir le patron. Un secrétaire général doit aussi assumer les pires décisions. Comme le Premier ministre, il est un bouclier de la très auguste personne du président de la République. Dominique de Villepin, par exemple, a dû assumer ce rôle lors de la dissolution de 97, qu'on lui a toujours imputé, essentiellement parce qu'elle s'est terminée, comme on le sait, en catastrophe pour Jacques Chirac président. Oui, la mission première du secrétaire général est de défendre le président, quasi élevé au rang de divinité dans notre système de gouvernance. Le défendre, envers et contre tout. Et c'est bien ce que fait Alexis Kohler face au sénateur de la commission des lois le 26 juillet 2018, lors de la première crise de l'ère Macron, l'affaire Benalla, qui au bout du compte ne portera pas l'ombre d'un préjudice électoral à la cuisse jupitérienne qui occupe l'Élysée depuis maintenant près de 6 ans. À l'occasion de cette audition, du 26 juillet donc, Kohler himself explique le rôle d'un secrétaire général de l'Élysée, en tout cas l'idée qu'il s'en fait. Le secrétaire général est le collaborateur direct du président de la République, probablement son principal collaborateur, et pilote l'action de la présidence et des équipes de la présidence, en particulier en ce qui concerne les politiques publiques et évidemment chacun dans son rôle, en lien avec le Premier ministre et le gouvernement. On est bien avancé, l'explication reste totalement technique. Mais loin des caméras, Alexis Kohler résume parfois son rôle à celui de garde-triage. En réalité, la fonction charrie tous les fantasmes de la monarchie républicaine à la française. Pour l'illustrer, les journalistes politiques ne manquent pas de métaphores. Grand chambellan, cardinal, éminence grise. L'interrogation reste toujours la même. À quel point ces hommes, auxquels aucun électeur n'a accordé de mandat, influencent-ils les présidents? Et quand il s'agit d'y répondre, on botte souvent en touche. Alors, un président sous influence? Quelle idée, répond Édouard Balladur. Pas Pompidou en tout cas, dont il était le secrétaire général. L'expression que vous citez, pardonnez-moi, me paraît risible, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont connu à la fois l'Élysée et le président Pompidou, qui n'était pas homme à se laisser dicter ses décisions ni à les laisser prendre par d'autres que lui. D'ailleurs, les Français s'en souviennent bien. Époque différente, mais l'argument traverse les âges. Dans un entretien exclusif accordé au Point, en juin dernier, Kohler martèle. Je trouve cela offensant à l'égard du président d'imaginer qu'il puisse être sous influence et c'est mal le connaître par ailleurs. C'est assez pratique comme rhétorique. On protège la réputation du président en assurant aux Français que c'est bien lui qui décide et personne d'autre. Et si les décisions ne plaisent pas à l'opinion ou si elles sont erratiques, cela permet au secrétaire général de l'Élysée de s'émanciper de toute responsabilité. Publiquement, en tout cas. Quoi qu'il en soit, à l'Élysée, M. Kohler occupe bel et bien une position centrale. Tout passe par lui. Emmanuel Macron et lui ont repris à l'Élysée leurs habitudes de Bercy. Ils travaillent tard dans la nuit, côte à côte. Et quand ils se quittent, ils poursuivent leurs échanges via une messagerie sécurisée, même à 3 ou 4 heures du matin, peu importe. D'ailleurs, les différents surnoms sont attribués à Kohler marquent cette proximité, cette symbiose. Le jumeau, dit-on, le cerveau, ou même l'hémisphère droit de Macron. Si le chef de l'État était un ordinateur, Alexis Kohler en serait le logiciel, résume l'ancien président macroniste de l'Assemblée, Richard Ferrand. Il est vrai qu'Alexis Kohler participe à chaque décision présidentielle. Et les ministres savent bien qu'ils ne peuvent emporter un arbitrage favorable qu'en le convainquant, lui, au préalable. De toute manière, ils ne peuvent s'exprimer que sous son contrôle, comme l'explique Laurence Benhamou, journaliste de l'AFP accrédité à l'Élysée, interviewé ici dans le documentaire Le Vice-président, diffusé sur BFM TV en 2022. Quand j'arrive au moment de l'investiture, ce n'est que par petites touches que je vais entendre parler d'Alexis Kohler. Par exemple, les rédactions des journaux racontent qu'ils attendent la relecture des interviews par Alexis Kohler, des interviews des ministres. Évidemment, des interviews d'Emmanuel Macron. Donc déjà, là, on s'aperçoit que Alexis Kohler a un rôle pour ce qui est des médias, pour ce qui est de la presse. Il a son mot à dire sur absolument tout. La patte Kohler, les observateurs de la vie politique française la décèlent partout. Et en premier lieu, dans le choix du Premier ministre. C'est Édouard Philippe, venu de la droite, un fervent soutien d'Alain Juppé, qui est nommé à Matignon en mai 2017. Colère et lui se sont connus sur les bancs de Sciences Po. En terrain ami à Matignon, en territoire conquis à l'Élysée, Alexis Colère peut donc commencer à épauler Emmanuel Macron dans la mise en œuvre de son programme de réforme promis pendant la campagne. Fiscalité sur le patrimoine, code du travail, assurance chômage, système de retraite, et jouer dans l'ombre son rôle de gardien fondateur de la Macronie. L'ombre. Il va pourtant se retrouver à son corps défendant, en pleine lumière. Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour je courirai moins, jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, des atomes. Le jour où tu ne me parleras plus, un jour je voguerai moins. Peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, chérie des atomes, fais ce que tu veux. Affaires sensibles sur France Inter. Le 4 mai 2018, même pas un an après l'élection d'Emmanuel Macron, voilà qu'Alexis Colère, son principal collaborateur, se retrouve sur la sellette. Car un article de Mediapart jette le doute sur le parcours sans faute de ce haut fonctionnaire. Alexis Colère aurait-il pu mettre à profit certaines de ses fonctions pour favoriser une entreprise dirigée par des membres de sa famille ? Ce soupçon porte un nom dans le code pénal. Prise illégale d'intérêt. Alors la règle est la suivante. Un fonctionnaire ne peut avoir un intérêt quelconque qui compromettrait son impartialité ou son indépendance, voire son objectivité vis-à-vis d'une entreprise, alors que sa mission de service public l'amène à traiter de dossiers en rapport avec cette entreprise, ou à l'administrer, ou bien même à la surveiller. En langage courant, on parle de conflit d'intérêt. Deux éléments guident l'enquête de la journaliste Martine Orange. Selon elle, Alexis Kohler entretient des liens bien plus étroits qu'il n'a pu le laisser entendre avec la famille Aponte, qui dirige le groupe de transport maritime MSC. La cofondatrice de l'entreprise est une cousine de sa mère. Et dans cette société italo-suisse, les affaires se gèrent en famille. Signe de leur intimité, Alexis Kohler passe parfois ses vacances en Croatie sur le yacht de la famille Aponte. Or, et c'est le deuxième élément, le secteur du transport maritime, dont MSC est l'un des géants. Alexis Kohler en avait fait sa spécialité à l'APE, l'Agence des participations de l'État, où il a commencé sa carrière de fonctionnaire du Trésor. Entre 2010 et 2012, il siège par exemple au nom de l'État dans le conseil d'administration de STX France, la société qui gère le chantier naval de Saint-Nazaire. L'État détient plus de 30% du capital et le groupe MSC est l'un de ses principaux clients. Les ouvriers des chantiers de l'Atlantique, 3000 salariés, premier employeur du territoire, assemblent les mastodontes que MSC Croisière fait ensuite voguer sur les mers. Alors, Alexis Kohler a-t-il pu, dans ses fonctions à l'Agence des participations de l'État, ou plus tard au cabinet de Pierre Moscovici, prendre des décisions favorisant MSC? Martine Orange, l'autrice de l'enquête de Mediapart, l'affirme. Et elle explique pourquoi, dans ce documentaire de Jean-Baptiste Rivoire, pour Off Investigation, diffusé par le site d'information Blast. On s'aperçoit que 5 fois sur les chantiers de l'Atlantique, il a pris des décisions qui étaient engageantes pour les chantiers de l'Atlantique en relation avec MSC. Et de la même façon, il y a eu plusieurs précisions au port du Havre, dont certaines très lourdes, en faveur de MSC. Décisions d'ailleurs qui, par la suite, au port du Havre, ont été condamnées par la Cour des comptes, tellement elles étaient favorables à MSC. Et ils ne se déportent pas. À chaque fois, on parle quand même de centaines de millions, voire de milliards. Donc ce n'est pas des petites décisions, on n'est pas dans le cas du maire qui fait construire le trottoir avec l'entreprise du coin. Il ne se déporte pas, pointe la journaliste. Or, quand un fonctionnaire se retrouve confronté à une entreprise à laquelle il est lié, c'est celle du déport. En clair, ne pas participer à des réunions, ne pas recevoir ou envoyer de mail au sujet de cette entreprise, ne pas prendre la moindre décision qui la concerne, enfin, toujours avertir sa hiérarchie. Et c'est bien ce que pointe Mediapart. Alexis Kohler ne semble pas avoir formellement informé ses employeurs de ses liens avec la famille Aponte et MSC. Pour preuve, le site avance la demande formulée par le haut fonctionnaire à la commission de déontologie quand il cherche à quitter la fonction publique. Nous sommes alors en 2014. Alexis Kohler quitte en effet le ministère pour tenter l'aventure du privé. Comme le veut l'usage en vigueur dans la fonction publique, il demande l'autorisation de la commission de déontologie. Son désir donc, rejoindre le groupe MSC. Dans sa demande à la commission, il ne fait pas mention de ses liens familiaux avec la famille Aponte. La commission refuse de toute manière ce pantouflage, estimant que dans ses fonctions à l'APE, Alexis Kohler avait eu à traiter de dossiers trop proches du groupe. Dans une requête ultérieure, 2 ans plus tard, en 2016, il ne signale pas non plus son lien de parenté quand il formule à nouveau auprès de la commission de la déontologie le vœu de rejoindre MSC. Demande accordée cette fois. On l'a vu, Alexis Kohler passera quelques mois à la tête de la direction financière de la filiale MSC Croisière avant d'accéder à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Quoi qu'il en soit, l'intéressé nie toute dissimulation. Il affirme avoir toujours informé ses supérieurs de ses attaches avec le groupe MSC et n'avoir jamais eu à prendre de décisions pouvant avoir des conséquences pour ce dernier. Or, dans son article, Mediapart ressort les procès-verbaux du conseil de surveillance du port du Havre. Kohler y siège au nom de l'État de 2010 à 2012 et à 2 reprises, il vote en faveur d'un contrat passé avec une filiale MSC et ce contre l'avis d'un autre fonctionnaire. Les faits rapportés par le site d'investigation convainquent l'association anticorruption, Anticor, de déposer plainte en juin 2018. Le parquet national financier confie l'enquête à la brigade de répression de la délinquance économique. L'enquête se concentre sur les fonctions précédentes d'Alexis Kohler. Mais la question est rapidement sur toutes les lèvres. Et à l'Élysée, sa position a-t-elle profité à MSC ? Alors on revisite les événements dans cette perspective, comme ce déplacement d'Emmanuel Macron à peine élu sur les chantiers de l'Atlantique. Il y évoque l'avenir du chantier naval de Saint-Nazaire en danger depuis la faillite de la société qui le gère, STX. Des discussions ont été engagées par le précédent gouvernement qui dessine l'entrée d'un constructeur italien au capital, Fincantieri. Je veux d'abord vous dire que je me réjouis et me félicite d'un rapprochement industriel entre STX France et Fincantieri. Et je veux donc que ce partenariat italien, industriel, puisse se poursuivre et se consolider. Mais je veux aussi vous dire qu'au-delà, en lien avec nos amis italiens, je souhaite que les équilibres de principe trouvés en avril 2017 puissent être revus. Nous sommes le 31 mai 2017. Emmanuel Macron a été investi président depuis 15 jours à peine. Son premier déplacement en France, il le réserve donc à Saint-Nazaire. Et il opère une volte-face. Son prédécesseur, François Hollande, était parvenu à dessiner une solution pour sauver les chantiers navals et leurs milliers d'emplois en laissant entrer au capital le constructeur maritime public italien Fincantieri. À peine élu, Macron rebat les cartes. Pour le plus grand plaisir d'un certain Gianluigi Aponte, qui se confie dans Le Monde trois jours plus tard. Le patron de MSC indique dans cette interview vouloir entrer au capital de STX France. Il promet aussi, et il dit, nous ferons tout pour éviter que Fincantieri ne pille Saint-Nazaire. Les enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance financière n'en sont pas à chercher des poux à ce niveau de pouvoir. Non, ils épluchent les messages échangés dans les tuyaux de Bercy, scrutent les ordres du jour des réunions à l'agence des participations de l'État, comme ceux de tous les conseils de surveillance dans lesquels Alexis Kohler a siégé pour représenter précisément l'État. Ils rendent un premier rapport, début juin 2019. Les policiers écrivent n'avoir découvert aucun courrier ou document faisant état du lien familial entre Alexis Kohler et les Aponte. Oh, il a bien écrit une lettre sur laquelle ne figure ni date ni destinataire qu'il assure avoir remise à son patron à l'APE. Mais aucune trace dans les archives de cette administration. Mais un mois plus tard, en juillet 2019, les mêmes policiers affirment cette fois « Alexis Kohler n'a jamais dissimulé son lien de famille et l'a indiqué à plusieurs reprises verbalement et par écrit à sa hiérarchie et à son collaborateur direct. » Si aucune preuve matérielle ne vient étayer cette position, ce n'est pas la faute de Kohler, mais celle du système d'archivage à Bercy. On trouve aussi une pièce importante dans ce rapport, qui ne figurait pas dans le premier jet des policiers, et pour cause. Elle a été versée au dossier le 1er juillet, après la rédaction du rapport provisoire. Il s'agit d'une lettre adressée à Alexis Kohler, et elle n'est pas signée de n'importe qui. Cher Alexis, comme suite à votre demande, je vous confirme que lors de ma prise de fonction de ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, j'étais déjà informé de vos liens familiaux avec les actionnaires de contrôle de MSC, ainsi que de la volonté que vous aviez exprimée de rejoindre cette entreprise quelques mois plus tard. Vous m'aviez d'ailleurs formellement remis, au moment de votre entrée aux fonctions de directeur de mon cabinet, un courrier demandant à ne jamais avoir à traiter des dossiers et questions concernant cette société. Emmanuel Macron. Voilà le président de la République qui prend la plume pour assurer de la bonne foi de son principal collaborateur. Mais attention, il ne le fait pas en tant que président, précise immédiatement son entourage. D'ailleurs, regardez, la lettre n'est pas en tête de la présidence, mais bien en tant qu'ancien ministre de l'économie, alors employeur d'Alexis Kohler. Un argument qui a bien du mal à passer auprès des experts du droit constitutionnel, comme Jean-Philippe Derosier par exemple, professeur de droit public, interrogé par France 3. Lorsqu'il produit une telle lettre, évidemment qu'il y a une interférence du président de la République dans le pouvoir judiciaire. Les juristes s'étranglent, Alexis Kohler respire, l'enquête est classée sans suite. La vie à l'Élysée peut donc reprendre son cours normal. Ou pas. Les gilets jaunes, la Covid vont en effet bouleverser le quinquennat Macron. Quand celui-ci se porte candidat à sa succession, les journalistes politiques ne tardent pas à nouveau à déceler la marque d'Alexis Kohler. Ou dans cette non-campagne, déjà. Escamoté par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est du Kohler tout craché qui prône la présidence jusqu'au bout. On ne fait pas campagne, on est président jusqu'à la fin. C'est sa signature que croit déceler également dans le programme du candidat, jugé par certains de ses soutiens trop à droite, illisible. Le fameux recul de l'âge de la retraite fixé à 65 ans, alors que d'autres plaidaient autour de Macron pour 64. Encore colère. Ses détracteurs le résument ainsi, obsédé par la maîtrise des déficits publics. Nombreux sont ceux qui plaident en coulisses auprès du président pour qu'il débarque le chef des technos, comme il l'appelle. Les plus avertis n'y croient pas. Selon eux, Emmanuel Macron ne saurait se passer de son bras droit. Trop utile pour déléguer en toute confiance les si nombreux dossiers qu'il n'a pas le temps de regarder. Auprès de qui Macron pourrait-il retrouver une telle force de travail et une telle connivence? Personne, semble-t-il. Et c'est donc tout naturellement qu'Alexis Kohler se présente dans le vestibule d'honneur du Palais de l'Élysée en mai dernier, après la réélection de son patron. À nouveau, c'est lui qui égrène le nom des membres du premier gouvernement Macron II confié à Elisabeth Borne. Mais en ce tout début de second quinquennat, les ennuis judiciaires reprennent pour Alexis Kohler. Cette fois, deux juges d'instruction ont été nommés pour démêler cette affaire de prise illégale d'intérêt présumé. Le dossier avait certes été classé une première fois, on l'a dit, mais la constitution de partie civile de l'association Anticor permet de relancer la procédure. Le 3 octobre 2022, Alexis Kohler est mis en examen. La position de l'Élysée, elle, ne varie pas d'un iota. La démission du secrétaire général est un non-sujet. D'ailleurs, Emmanuel Macron le répète, le 7 octobre, un journaliste qui l'interpelle au cours d'une conférence de presse à Prague et qui lui demande si la doctrine de la démission automatique d'un ministre en cas de mise en examen est toujours valable. D'abord, pour ce qui est de mon secrétaire général, il ne vous aura pas échappé qu'il n'est pas ministre. Et pour ce qui est d'un homme qui, depuis plusieurs années, passe ses nuits et ses jours à servir l'État avec un dévouement et une intégrité dont je peux témoigner, dans une époque où, respectant les lois qui ont été votées il y a maintenant près de 10 ans, il n'y a plus d'intervention dans les dossiers particuliers, et après que sur cette même affaire, une enquête préliminaire ait d'abord classé le dossier, je considère que la décision que je prends est tout à fait légitime. La justice suit son cours en totale indépendance, mais ce ne sont pas des décisions de procédure qui doivent conduire à prendre des décisions administratives et, pour moi, à choisir mes collaborateurs. Il a donc toute ma confiance. La messe est dite. Rien ne viendra séparer le couple de l'Élysée. Mais le second quinquennat ne fait que commencer. Et son histoire reste à écrire. Reste à voir si Alexis Kohler tiendra la plume jusqu'au point final. T'en sais rien, oh, t'en sais rien. Jusqu'où tiendra le mirage, l'illusion que tout va bien. Mais t'en sais rien, oh, t'en sais rien. Tu souris comme une image, est-ce au diable ou au saint? Ce qui tenterait une approche, mais jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit rien. Tu en joues. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Alexis Koller, pouvoir et enquête. Nous en parlons avec notre invité Marc Andevelde. Bonjour. Bonjour. Journaliste indépendant, spécialiste des réseaux de la Macronie, vous êtes l'auteur, entre autres, de l'enquête intitulée « L'emprise, la France sous influence », publiée au Seuil cette année. Alors, les secrétaires généraux de l'Élysée ont toujours bénéficié d'un pouvoir important et assez peu perçu par les citoyens en général. Mais avec Alexis Koller, on passe peut-être dans une autre dimension et on ne parle plus de Premier ministre bis, mais de vice-président. Qu'est-ce qui change avec ce couple Macron-Koller ? Tout change, parce que comme vous l'avez rappelé, effectivement, tous les secrétaires généraux de l'Élysée ont toujours eu une influence politique à l'Élysée, et y compris auprès du président de la République. Mais là, en l'occurrence, le poids d'Alexis Koller est considérable, son pouvoir est considérable. D'ailleurs, c'est des anciens secrétaires généraux que j'avais interrogés, moi, au cours de mes enquêtes, qui me l'ont confié. Jamais autant un secrétaire général sous la Ve République a eu autant de pouvoir. Il faut savoir qu'Alexis Koller a la haute main sur tout un tas de dossiers, dossiers industriels, stratégiques, la diplomatie, le renseignement, les questions de défense, d'énergie, de nucléaire, on en parle beaucoup ces derniers jours. Tout ça, c'est Alexis Koller. Audiovisuel aussi ? Également, il s'intéresse également aux questions de médias, tout à fait. Tous ces dossiers-là, extrêmement sensibles, extrêmement politiques, au plus haut niveau de l'État, eh bien, on trouve Alexis Koller. Il y a une omniprésence d'Alexis Koller à l'Élysée depuis 2017, aussi parce que Macron a gouverné la France sous le mode de l'hyper-présidence. Tous les pouvoirs ont été concentrés à l'Élysée. Vous l'avez d'ailleurs rappelé dans votre exposé, les ministres sous le gouvernement, on va dire Macron, et ont peu de pouvoir face au secrétaire général de l'Élysée. Et ça, ça s'explique par la composition de la Macronie. Mais l'hyper-présidence avait été plus ou moins inventée par Nicolas Sarkozy. Ça veut dire que Claude Guéant avait probablement aussi beaucoup de pouvoir. Claude Guéant est aussi un secrétaire général qui avait du pouvoir, mais Alexis Koller en a plus, justement, parce que les ministres en ont moins de pouvoir sous la Macronie. Et notamment parce que, pourquoi ils en ont moins ? Parce qu'en fait, le jeu politique traditionnel qu'on pouvait connaître à l'UMP, les Républicains maintenant, ou au Parti Socialiste, eh bien ce jeu politique traditionnel, qui était notamment lié à la vie parlementaire, sous la Macronie, s'est effacé. Bien sûr. Koller est perçu comme le chef des Mormons, dit-on. Alors, je ne sais pas, vous confirmez, c'est ce qu'on dit. En tout cas, qu'est-ce que ça signifie ? En tout cas, il est allié avec ce qu'on appelait, il y a quelques années, les Mormons, c'est-à-dire ces conseillers de Macron qui ont été présents dès la campagne de 2017, autour notamment d'Ismaël Emelien, ancien conseiller stratégique d'Emmanuel Macron. On pourrait citer également Benjamin Griveaux, Sibeth Ndiaye. C'est les Mormons, c'est notamment les anciens Strauss-Kahniens, la fameuse bande de la planche. Et effectivement, Alexis Koller était allié avec ce clan-là et au sein de la Macronie, on va dire, il est plutôt opposé à un autre clan ou plutôt d'autres clans au pluriel qui sont plutôt autour du giron de Brigitte Macron, ce qu'on appelle l'aile madame à l'Élysée, c'est-à-dire il y a une opposition d'influence et de réseau entre des réseaux qui se connectent plutôt à la première dame et plutôt des réseaux qui se connectent auprès du secrétaire général de l'Élysée, toujours dans un sens, c'est d'essayer de peser sur le président de la République, d'avoir son oreille. Enfin, les membres du clan monsieur, on va dire, qui a le clan madame, doivent avoir quand même plus de pouvoir, parce que madame n'est pas élue. Non, c'est vrai. Et Alexis Koller a la haute main sur l'administration et sur les ministres également. Mais du côté de Brigitte Macron, on trouve notamment une partie de la Sarkozy, par exemple, assez présente. On sait très bien qu'elle est également proche de certains ministres. Et donc, dans le jeu de la Macronie, il y a, on va dire, ces deux entrées par rapport au président de la République. Et Alexis Koller, par exemple, au printemps dernier, a remporté le morceau, on va dire, a réussi à imposer Elisabeth Borne comme première ministre. Ah, c'est lui ? C'est lui, d'accord. C'est lui. Alors même que le président de la République souhaitait plutôt Madame Vautrin, la présidente de la communauté d'agglomération de Reims, et qui était également poussée par Nicolas Sarkozy en coulisses. Donc là, on voit bien au sein de la Macronie qu'il y a différents clans, différentes influences. Catherine Vautrin, excusez-moi. Nicolas Sarkozy, toujours influent à l'Élysée, puisqu'on en parle. Il est influent, oui. Enfin, il croit être influent quand il peut rencontrer le président de la République, quand il déjeune ou dîne avec le président de la République, quand il sort de ses déjeuners, des dîners, il a toujours l'impression qu'il a donc convaincu le président de la République. Et là, en l'occurrence, ce qui s'est passé au printemps dernier, eh bien, il a cru jusqu'au bout que le président de la République allait nommer Catherine Vautrin. Et puis finalement, c'est Alexis Kohler qui, en coulisses, justement, a pesé de tout son poids pour imposer Elisabeth Borne comme première ministre à Matignon. Que dit-on de sa personnalité? On l'a dépeinte là dans le récit, mais pas en détail. Après tout, on l'a pas rencontré. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Quel genre d'homme est-il? Il est assez, on va dire, distant, discret, pince sans rire, assez méprisant également. Bon, c'est tous les attributs finalement d'un secrétaire général. Ça rappelle Guéant, Balladur sous Pompidou. Et également, ce que j'allais dire, d'un haut fonctionnaire. Il faut comprendre également qu'il y a un point commun avec Macron quand même, c'est qu'il a, on va dire, un certain esprit de revanche quand même. Parce qu'il n'a été, après l'ENA, que administrateur civil. Il n'est pas sorti dans ce qu'on appelle la botte du classement de l'ENA. De l'élite. Il n'a pas été inspecteur des finances, il n'a pas été à la Cour des comptes ou conseiller d'État. Et ça, on va dire, dans la bienséance de l'État, ça a beaucoup pesé, on va dire, sur son parcours et sa trajectoire. Ça explique aussi pourquoi il est aussi fidèle à Emmanuel Macron, parce qu'il s'est mis totalement au service d'Emmanuel Macron, notamment quand il est devenu directeur de cabinet d'Emmanuel Macron à Bercy. Bien, on va continuer à en parler, on va surtout parler de l'affaire dans 3-4 minutes, après avoir écouté L'homme pâle, maladie moderne. Le sens de la vie part en fade out. Aucune bonne raison, mais je veille tard. J'anticipe déjà le réveil d'après. J'aimerais bien pleurer, mais y'a rien qui s'y prête. Et s'ils sont vraiment pour le partage, alors qu'ils viennent me prendre une part de vide. De son plaisir dans l'appartement, le seul hic, c'est que j'en ai un petit peu marre de vivre. Ma douce, ma belle parle de moi, et je suis bien le seul que ça n'intéresse pas. Mets tout sur pause, appuie sur la barre espace, si je suis un fantôme dans le noir. Maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier, c'est l'enfer. La machine marche à l'envers. Oh maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier, c'est l'enfer, la machine marche à l'envers. Et la nuit porte le doute, perdu, je sais plus si je suis bloqué dans ma chambre ou bloqué dans ma tête. Vu que rien ne change, je me dis que j'ai pas de chance, comme la plupart des gens, mais je le mérite peut-être. Bien sûr que je me sens MAUDIT. Le vide fait du forcing pour me déiter. Demander de l'aide, j'aurais jamais idée. Pas du genre à crier trois fois Mayday. Nope, plus qu'à continuer de croquer dans ce fruit. Jusqu'à ce qu'il ait un goût de Goya. J'ai mis ma veste pour sortir boire un verre, mais je suis encore assis et tout à fermer. Bon comédien, je fais semblant de l'aimer. Ça deviendra vrai 3 jours et demi dans l'année. Mais ce 1% de plaisir est tellement raffiné. Je sais bien que le miel n'existe que grâce au vinaigre. Maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier, c'est l'enfer. La machine marche à l'envers. Maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier, c'est l'enfer. La machine marche à l'envers. Et la nuit porte le doute, perdu, je sais plus si je suis bloqué dans ma chambre ou bloqué dans ma tête. Vu que rien ne change, je me dis que j'ai pas de chance, comme la plupart des gens, mais je le mérite peut-être. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Marc Andevelde, la semaine dernière, la ministre des collectivités locales, Caroline Cayeux, démissionnait parce qu'elle aurait minimisé sa déclaration de patrimoine. Agnès Pannier-Runacher, elle, a été mise en cause pour des liens familiaux présumés avec une entreprise pétrolière alors qu'elle s'occupe de transition écologique au gouvernement. Tout ça peut donner l'impression, réelle ou fausse, que la Macronie est particulièrement concernée par ce genre de pratique à la lisière du conflit d'intérêts. Oui, c'est un peu la marque de fabrique de la Macronie, c'est-à-dire la célébration des va-et-vient entre public et privé, entre les fonctions de l'État et les hautes responsabilités, notamment dans les entreprises privées. Et donc, ils ont du mal, quand je dis « ils ont », c'est l'ensemble des macronistes, ont du mal parfois avec les questions de transparence, de conflit d'intérêts. Et tous ces dossiers que vous avez cités vont un peu dans le même sens, c'est-à-dire que par rapport aux grandes déclarations d'Emmanuel Macron en 2017 pendant la campagne présidentielle de renouveler la vie politique et également d'avoir une politique, on va dire, peut-être plus morale dans un certain sens, on voit bien qu'après 6 ans de pouvoir, on en est extrêmement loin. On aurait des affairistes au pouvoir ? Bah, disons que, alors, c'est en tout cas la vraie question qui est posée, c'est celui qui est posé aujourd'hui par la justice dans le dossier Colère. C'est-à-dire, vous l'avez rappelé très bien, c'est celui de la prise illégale d'intérêt. Et je rappelle qu'il est également témoin assisté en termes de trafic d'influence. Et donc, est-ce qu'il a profité de sa position pour permettre que l'entreprise, notamment MSC, soit favorisée dans tout un tas de dossiers. Donc c'est vraiment cette question-là du mélange des genres entre public et privé qui est aujourd'hui posée à la tête de l'État. Et on le voit sur d'autres dossiers comme McKinsey, par exemple. Mais dans cette logique, la visite des chantiers navals d'Emmanuel Macron à Saint-Nazaire était importante. Oui, parce qu'il faut se replacer en 2017, en fait, ce qui se passe. Donc on le dit, première visite, il est élu président, sa première visite, c'est ça. Oui, sa première visite, c'est le chantier de MSC, chantier naval, lapsus, chantier naval de Saint-Nazaire, dont le principal client, c'est le groupe MSC, premier armateur mondial. On parle d'une puissance considérable, plus de 500 bateaux, 200 lignes C'est des paquebots, c'est des croisières, c'est pas que ça, mais c'est également les porte-containers. C'est près de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est le premier armateur mondial. C'est un des rouages essentiels de la mondialisation. Donc, le groupe MSC, c'est une puissance considérable. Et effectivement, le président de la République va au chantier naval de Saint-Nazaire en mai 2017, juste après son élection. Et il décide également d'une autre chose, c'est qu'il revient sur l'accord qui avait été signé avec le gouvernement socialiste dans les semaines précédentes entre le groupe italien Fincantieri de construction navale et le chantier naval de Saint-Nazaire. Et là, il y a un élément extrêmement important, c'est que dans les mois précédents, qui précèdent cette décision-là, le groupe MSC fait du lobbying auprès de l'État français, et notamment auprès d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie, pour casser cet accord. Et la courroie de transmission naturelle, ce serait Colère. Et la courroie, alors l'enquête l'a démontré, une des courroies de transmission a été Colère. D'ailleurs, quand Colère a été, en fait, le véritable directeur de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, tout en étant directeur financier de MSC Croisière, je le rappelle, pour entre 28 000 euros par mois et 40 000 euros par mois, exactement, ce que l'enquête révèle, Alexis Colère a même participé à une réunion avec certains membres du gouvernement socialiste en mars 2017 pour poser cette question-là également. Donc on voit bien là également qu'on est dans une zone grise. Et en l'occurrence, ça a eu des conséquences parce que l'accord avec Fincantieri a été dans un premier temps cassé. Finalement, il y a eu un compromis qui a été trouvé et finalement, Fincantieri, pendant la pandémie, a décidé de jeter l'éponge. Et aujourd'hui, les chantiers navals de Saint-Nazaire sont la propriété de l'État principalement. L'État français, bien sûr. L'État français. L'un des aspects, on ne va pas reprendre tous les aspects de l'enquête, on a tenté de les exposer, tous ces aspects, mais un seul sur lequel je voulais revenir, ce qui est troublant, c'est le changement de pied des policiers de la brigade de répression de la délinquance économique, comment deux rapports émanant de la même équipe d'enquêteurs, avec un délai assez court, peuvent être aussi différents et surtout contradictoires. Vous l'avez rappelé, il y a eu l'action extrêmement, on va dire, originale du président de la République qui a carrément pris la plume pour écrire une lettre pour expliquer qu'il avait été toujours... Oui, on l'a fait lire. Vous l'avez lu, cette lettre, cette fameuse lettre qui a été versée au dossier. Il y a également l'ensemble de la hiérarchie d'Alexis Kohler, notamment les anciens patrons de l'APE, l'Agence de participation de l'État. Je pense notamment à Bruno Bézard ou à Jean-Dominique Omuni, qui ont écrit des courriers. Il y a également Julien de Normandie, ancien conseiller qui travaillait dans les mêmes cabinets chez Moscovici comme chez Macron auprès d'Alexis Kohler. Et tous ont expliqué deux choses. Ils étaient au courant des liens familiaux entre Alexis Kohler et le groupe MRC. Et il y avait un déport, certes informel, mais effectif. Malheureusement pour Alexis Kohler... Le déport, on rappelle, c'est la feuille de route, ce qu'on doit respecter, ne plus écrire de mail, ne plus... En gros, c'est de se mettre totalement à l'écart des dossiers de l'entreprise et des dossiers qui concernent MRC. Alors, il y a eu déport ou pas, finalement? Eh bien, l'enquête l'a démontré. En fait, l'enquête préliminaire le démontrait déjà, mais les policiers se sont revenus sur leurs conclusions. Mais les juges d'instruction et donc l'enquête qui a continué sont tombés sur un os pour Alexis Kohler, c'est-à-dire ils sont tombés notamment, ils ont récupéré de nombreux mails de Julien de Normandie qui ont montré que les mails étaient toujours transmis à Alexis Kohler tant au cabinet de Moscovici qu'au cabinet de Macron. Des avis étaient demandés également à Alexis Kohler et c'est tous ces éléments sur lesquels les juges d'instruction qui ont mis en examen Alexis Kohler en septembre, c'est sur ces éléments-là qu'Alexis Kohler a été principalement entendu lors de son audition. Et c'est ce qu'on a appris de nouveau par rapport à l'audition de début octobre, parce que l'AFP a publié une dépêche. Alors, l'AFP a publié une dépêche. Moi, comme l'AFP, j'ai eu accès à l'audition, j'ai pu lire l'intégralité de l'audition, et donc j'ai écrit deux articles la semaine dernière pour le site Off Investigation, que vous avez cité également. Et l'élément que je mets en avant, c'est justement celui-ci, le fait que les juges d'instruction interrogent Alexis Kohler sur les fameux mails de Julien de Normandie. D'accord. Et on voit que la défense d'Alexis Kohler est largement fragilisé par ces éléments-là qui ont été recueillis par la justice. Parfait. Dans l'autre affaire qui inquiète Alexis Kohler, qui concerne cette fois une plainte déposée par les syndicats qui soupçonnent un trafic d'influence autour de l'offre publique d'achat de Veolia sur Suez. Alors c'est une autre affaire, hein. Mais on voit la marque d'influence d'Alexis Kohler dans la politique menée à l'Élysée, dans le rôle qu'il aurait joué pour rendre possible le rachat de Suez par Veolia, tous les deux des groupes privé, alors qu'officiellement l'État s'était dit défavorable à cette cession. Qu'est-ce que ça nous dit également sur Alexis Kohler, deuxième dossier? Ça dit beaucoup aussi sur la Ve République, sur ce capitalisme d'État où les plus hautes fonctions politiques ont toujours un mot à dire sur les mécanos industriels et financiers. Et en l'occurrence, sur ce dossier-là de Suez-Veolia, Alexis Kohler, on va dire, est accusé d'avoir eu une influence, aurait eu une influence sur des syndicalistes CFDT, notamment du groupe Engie, pour accepter la vente des actifs Suez par rapport à l'entreprise Veolia. Mais pour l'instant, l'enquête est toujours en cours et on en saura peut-être plus dans les prochains mois. Alors, le temps judiciaire est un temps long, cela dit Alexis Kohler, encore s'il va jusqu'au bout avec Emmanuel Macron, 4 ans de présence. Peut-être que la justice n'aura pas tranché d'ici là. Si elle tranchait, on arriverait bien à un moment où ce fameux couple Macron-Kohler, il sera démantelé. Oui, alors c'est toute la question. Le couple Alexis Kohler semble indéfectible, hein, on l'a vu. D'ailleurs, Emmanuel Macron ne cesse de soutenir Alexis Kohler. Il l'a redit. Il y a quand même une situation différente par rapport au premier quinquennat, de deux ordres. Déjà, la justice continue d'avancer et là, pour le coup, Alexis Kohler est mis en examen. Donc, d'un point de vue public et de communication, c'est très difficile à assumer sur la longueur, quelle que soit l'issue du dossier judiciaire. Et puis, plus profondément, dans le jeu de pouvoir de la Macronie, Alexis Kohler a perdu des alliés. Il n'y a plus Édouard Philippe à Matignon. Et également, les fameux mormons dont on parlait tout à l'heure ne sont plus au sein de la Macronie. Donc, au sein de la Macronie, Alexis Kohler est relativement fragilisé. Ouais. Et notamment du fait que la Macronie n'a plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ça fragilise également le secrétaire général de l'Élysée. Bien sûr. Allez, deuxième mandat, c'est toujours plus dur hein, pour oui, un président tout à fait. Et pour son entourage. Très rapidement, parce qu'il nous reste 30 secondes, vous avez écrit donc ce livre, L'emprise de la France sous influence. Rapidement, c'est quoi globalement l'influence? Elle est multiple, mais c'est notamment comment les intérêts privés sont de plus en plus interfèrent de plus en plus sur les intérêts étatiques, notamment au niveau des questions internationales. Et je finirai sur ça. Oui. On a beaucoup parlé dans le précédent quinquennat de la guerre opposant le groupe Bolloré avec à l'Élysée. Il faut savoir que Vincent Bolloré, s'il s'est mis en guerre entre guillemets contre l'Élysée un certain temps, c'est qu'il considérait que ses intérêts n'étaient pas suffisamment soutenus par l'Élysée, parce que Alexis Kohler était justement de la famille d'un de ses concurrents, le groupe MSC. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Merci infiniment, Marc Arnevel. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui avec Alexis Kohler et l'émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ronan May. Vous avez certainement remarqué, les gamins en bas âge disent souvent « ils croivent » au lieu d'« ils croient ». Mais si j'en crois votre programme, cher Mathieu Noël, ils ne croivent pas si bien dire. Exactement, Fabrice. C'était tiré par les cheveux, mais bon. Ah non, mais vous allez voir notre thème aussi, mais c'est passionnant. Êtes-vous sûr de croire vraiment ce que vous croyez, Fabrice ? Non, bien sûr que non. Si certaines personnes, par exemple les complotistes de la Terre plate, ne croyaient pas vraiment eux-mêmes ce qu'ils racontent. Zoom aujourd'hui sur ce phénomène que notre invité a baptisé malicieusement les croivances. Les croivances. À tout à l'heure, même à tout de suite, juste après Flash de 16h.